Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 18. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que je veux enregistrer ce nouvel épisode. J'ai eu bien de la misère parce que j'arrive de vacances. On est aujourd'hui vendredi et j'ai recommencé le travail lundi dernier après 2 semaines de vacances. Et puis, Dieu sait que c'est pas vraiment évident là, d'enregistrer puis de faire quoi que ce soit quand on est sur la route. Donc voilà, de retour chez Retro Montréal pour un nouvel épisode. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à présenter aujourd'hui aussi. J'ai acheté beaucoup, pas mal de jeux quand même pendant que j'étais parti. Et puis il s'est passé des trucs. Alors je vais commencer ça dès maintenant. Je vais parler de mes vacances un petit peu. Je suis allé passer plusieurs jours, 5 jours. Au Lake George, aux États-Unis, qui est une petite place, là, une petite ville là, sur le bord du lac George. C'est dans l'État de New York. C'est pas loin, c'est à peu près à 3 heures de route de Montréal. Donc, on voulait faire ça pas trop dispendieux cette année, et puis quand même le fun pour les enfants. On a eu beaucoup de dépenses, donc le fun, pas trop cher, pas trop loin, c'était parfait. On a encore des travaux à la maison en même temps aussi pendant nos vacances, donc fallait décrocher, mais fallait rester pas loin non plus. Bref, c'est une belle petite place, beaucoup d'arcades. J'avais vu en cherchant sur Google qu'il y avait une arcade à Lake George. En fait, en arrivant là-bas, il y en avait plein, mais c'est vraiment des arcades à coupons, là. Toutes les machines, c'est pas des jeux vidéo, c'est des jeux d'adresse et des jeux de chance, là. C'est surtout, c'est 99% ça. Dans toutes les places que je suis allé, des fois, il y avait une machine. J'ai juste regardé toutes les places qu'il y avait, puis j'ai pu jouer à Asteroid. Ça, c'était quand même magnifique. Une borne d'arcade originale, Asteroid. Ça, l'écran, il est vectoriel. C'est comme un Vectrex, là. C'est pareil, là. C'est vraiment, vraiment beau. Puis la machine extérieure, c'est... c'est une belle pièce. J'aimerais vraiment savoir ça chez nous. Quand je suis aux États-Unis, puis que je vais à des places, puis qu'ils ont des machines d'arcade, j'ai tout le temps envie de leur faire des offres, puis leur dire, je vais revenir la chercher, tu sais. C'est tellement des beaux objets, puis j'aimerais ça en avoir chez nous aussi. Surtout des affaires comme Asteroid, parce que c'est plus fragile, tu sais. Quoique celle-là, elle s'est faite battre pendant toutes ces années-là, puis elle marche encore, mais bref. Jouer à Miss Pac-Man, jouer à Pac-Man, puis c'est pas mal les arcades auxquelles j'ai pu jouer. Sinon, c'était juste des bebelles. Mais mes enfants étaient bien contents, ils ont gagné des coupons, là, puis ils se sont achetés des gros beignes flottants pour aller dans la piscine. Donc, tout le monde est gagnant. Et j'ai découvert une belle place là-bas qui s'appelle Adirondack Pub. Et puis, c'est une microbrasserie où est-ce qu'il y a de l'excellente nourriture. La très bonne bière, j'ai été surpris. Ben, ils font surprise. Ils brassent leur bière, mais ça... T'sais. Mais non, c'était ça à coche, sérieux. C'était des produits de très, très bonne qualité. Puis même, on est retourné 2 fois. Et puis, j'ai ramené de la bière ici. Très satisfait de ça. Donc, si vous allez là-bas, je vous le recommande. Et puis, deuxième, j'ai pas trouvé de jeu là-bas. J'ai vu aucune place qui vendait des jeux. Mais c'est correct, là, je voulais pas emmerder ma pauvre famille avec ça. On n'était pas là pour ça, là, tu sais. Pas de place louche, pas rien, là. C'était touristique, propre. Donc, rien trouvé là. Deuxième semaine de vacances, je suis allé dans le coin de Québec. Au village vacances, Valcartier, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Dans mon temps, on appelait ça le village des sports, puis c'était bien plus simple. Mais ils ont construit un gros hôtel depuis ce temps-là, puis on est arrivé le soir, puis dans le fond, on voulait aller faire les jeux d'eau à l'intérieur de l'hôtel. Donc ça, c'était parfait pour les enfants. Tu sais, on arrive, relax, on met nos affaires, on va là 3 heures, on se baigne, on revient, on se couche, puis le lendemain, on part pour la bourse. Et puis, c'est ça, il y avait une grosse arcade dans cette place-là, très, très, très surpris. Ceux qui suivent ma page Facebook, vous avez vu les posts que j'ai fait par rapport à ça, d'ailleurs. Donc, j'ai joué à un Pac-Man géant, c'était pas mal le fun, ça, sérieux, c'était bien fait. Puis, pour le reste, c'était des jeux récents. Pinball de Metallica, toujours le fun. Il y avait 2-3 pinballs. J'étais surpris qu'il y ait autant de stock puis qu'on donne autant d'espace, tu sais, à une arcade au sein de cet hôtel-là. Clairement, les propriétaires, ils ont comme... un goût pour ça, je crois, puis il essaye de faire de quoi de nice. Et puis, c'était bien apprécié. En tout cas, moi, trouvais ça pas mal le fun. Et puis, le système là-bas, c'est pas des jetons ou de la vraie argent, c'est comme une carte. Puis, il y avait de ça aussi au Lake George. Tu vas au guichet, dans le fond, tu rentres un montant d'argent, puis tu drops une carte, puis tu as des crédits sur ta carte, puis tu swipes ta carte dans les machines. J'avais jamais vu ça avant. C'est un concept intéressant. Mais bon, ça sera pas pour Arcade Montréal, bien sûr, tout est gratuit de toute façon. Mais j'avais jamais vu, puis je trouvais ça pas pire. Puis là, je vais me prendre une sip de ma grosse tasse de café de Noël que mon père m'a donnée, qui est pleine de café. Cela dit, il faut que je ralentisse le café un petit peu parce que... ouais, je pense qu'il faut que je slack un peu. Faut que je fasse attention à mon corps. Je m'en viens vieux. Le médecin me l'a dit. Mais quand même, je n'ai besoin le matin là, pour me réveiller comme ça. Là. Donc, c'est ça. Le lendemain, on part pour la Beauce, mais vu que Valcartier est comme l'autre bord de Québec, puis on traverse ou on passe comme autour de Québec pour aller en Beauce vers le sud, j'ai... ma conjointe, ma délicieuse conjointe m'a dit « Si tu veux arrêter à Québec, à des places, on peut le faire. » J'étais vraiment content parce qu'à Québec, il y a plein de places. Et puis, j'en ai fait très peu, en fait. Je suis allé il y a quelques années chez Jeux Rétro Révo de mon ami Gilles Kelly, à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, d'ailleurs. Puis, il me semble que c'est la seule place que je suis allé. Donc là, je voulais faire d'autres places. Je voulais aller chez Flip Jeux. Et puis, je suis allé là, c'était très bien. Moi, je connais le propriétaire, ils sont deux là-dedans. Je connais Jason Vachon depuis quelques années. Encore une fois, j'ai fait un post Facebook là-dessus sur ma page. Puis, c'est ça, j'y ai acheté des jeux là, au cours des années, tranquillement, de temps en temps. Et puis, il connaît mes goûts aussi, tu sais. Fait que quand il y avait de l'Atari et tout ça, il me poquait. J'ai fait des petites gigs de design graphique aussi pour eux. Fait que bref... On s'était jamais vu en personne, fait que c'était vraiment le fun de faire connaissance, mais je pense que mutuellement, on respecte le fait qu'on soit en business. Tu comprends? Tu regardes les autres qui développent des projets ou qui ont des entreprises puis qui réussissent, comment est-ce qu'ils font. Je trouve ça respectable. Donc, on est comme bro business. On dirait que c'est ça que je ressens quand je pense à lui. Fait que c'était même le fun d'en parler dans sa shop et puis de parler des prix, pas des prix, mais de la vie en général et tout ça. Puis j'ai pas pu rester là super longtemps parce que j'étais avec ma blonde et mes enfants, bien sûr, mais il m'a fait faire le tour. Puis il m'a montré en arrière, tu sais, tout leur système de rangement sur roulette, tout ce qui est sur eBay, tout ça, l'archivage, tu sais. C'est le genre d'affaires qui m'intéresse parce que nous autres aussi, ici, on a un système, tout ça, tu sais, comme... C'est de la discussion, c'est de l'intéressement, c'est pas mal le fun. Et puis, j'ai acheté un petit paquet de jeux de Game Boy, dans le fond, je vais vous montrer ça tantôt. Tantôt, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant mes vacances. Et puis, aussi, autre stop que je voulais absolument faire, je voulais aller chez Dédé, le spécialiste du jeu vidéo. Et puis, parce que cette place-là, moi, ça m'intéressait parce que ça avait l'air un peu flou, tu sais. C'est comme une place qui a plein de jeux, puis pas vraiment de règles là-dedans. Et puis, tu trouves des trucs, tu détailles des jeux, tu peux négocier, tu sais, tu peux te monter de quoi. Là, je vais en parler pendant un petit bout. Ben, je vais entamer ça comme un sujet important du show parce que ça a fait bien du bruit, je pense. Puis j'ai fait un pause, bien sûr, sur ma page Facebook. Suite à mon expérience qui a fait beaucoup réagir. Ah, excusez, j'ai de la misère avec ma digestion, c'est l'enfer. Sachez que je suis allé chez Dédé en toute objectivité avec ma femme, mes deux enfants, relax le matin, bien chill. J'avais vu des tonnes de commentaires sur Dédé partout, sur Facebook, sur tous les groupes. Chaque fois que quelqu'un mentionne chez Dédé, comme disons qu'il y a 95% des commentaires qui sont négatifs, là, tu sais. Puis très virulents aussi, les commentaires, tu sais. Donc, mais comment. J'ai quelqu'un qui est venu ici chez Rétro Montréal, d'ailleurs, qui connaît bien Dédé, là, tu sais. Là, je vais juste dire ce qu'on m'a dit. J'ai rien vérifié de tout ça. Mais la personne qui connaît bien Dédé, qui est venue ici, qui m'en a parlé, tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans le game, lui, dans le fond. Puis, il a eu beaucoup de stock, puis il roule depuis vraiment longtemps. Et puis, c'est ça, tu sais. Puis, il a peut-être pas, ajusté comme sa business, à la moderniser, dans le fond, sa business, là, si je peux dire. Puis, fait que c'est encore très... tu sais, comme, il n'y a pas de règles précises. Il n'y a pas de... Genre, on te donne ça, ça c'est ça, c'est un peu free for all. Puis c'est bien correct de même aussi. Et puis là, c'est ce qu'ils essayent de faire, moderniser le truc à ce qu'on m'a dit, tu sais. Mais c'est ça, moi quand je suis rentré là-dedans, je suis comme, waouh, c'est hot, là. il y a du stock partout, c'est un capharnaüm, puis moi j'aime ça. Puis quand je suis descendu en bas, je suis comme, wow, il y a comme des vieilles arcades, deux, trois, tu sais. Et puis, il y a des murs de Coleco, puis d'Atari, puis de patente, là, tu sais. Comme on peut passer plusieurs heures là-dedans à fouiller, puis essayer de trouver des affaires intéressantes, du moins. Puis, tu sais, il y a comme des displays. En tout cas, il y a bien des affaires, tu sais. Moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, juste pour raconter l'histoire, dans le fond, il n'y a aucun prix sur les jeux. Donc là, je regarde le prix d'un jeu Mario Speedcross au Game Boy. Enfin, j'avais rien trouvé vraiment que j'avais besoin, donc je voulais continuer mon set Game Boy. Fait que je voulais voir pour les jeux que j'avais pas. Un jeu qui, dans ma tête, était sûrement autour de 15$. Donc l'employé sort ça. Là, elle va regarder sur Price Charting. Puis tu sais, comme moi, je suis pratiquement en arrière d'elle. Il y a un gros ordinateur. Elle ouvre Price Charting, on voit tout ça. Et puis, ben, je suis pas en arrière d'elle, derrière le comptoir, mais tu sais, comme j'étais à 1 mètre, là, je vois. Là. Price charting dit 20$. Donc, moi, je m'attendais à ça, tu sais, 20, 25, tu sais, un peu plus que price chart. C'est correct, il n'y a pas de problème. Puis là, elle ouvre une fenêtre de eBay. Puis là, elle scroll les Mario Speedcross. Puis là, elle se retourne, puis elle me dit, c'est 40$. Quoi? 40$? Tu sais, c'est quoi? C'est basé sur quoi? Puis là, elle me dit que c'est basé sur le shipping, que si eux doivent se réapprovisionner, il va falloir qu'ils payent le shipping, donc il faut qu'on paye le shipping, tu sais. Puis même à ça, ce qui est totalement ridicule, et puis, tu sais, c'est même pas basé sur les sold listings. C'est, pour ceux qui savent pas, là, quand vous checkez les prix sur eBay, là, sachez-le une fois pour toutes, là. Allez voir, cocher Sold Listings dans la colonne de gauche, c'est les jeux qui sont vendus. Moi, je peux mettre un Mario Bros demain matin à 50$, ça ne veut pas dire que ça vaut 50$ sur eBay. Mais s'il y a plusieurs personnes qui achètent des Mario Bros à 50$ sur eBay, puis tu le vois dans le Sold Listings, mais à un moment donné, le prix de Mario Bros va monter à 50$. T'sais. Mais si c'est pas vendu, ce n'est pas une référence. Puis tu peux mettre là-dessus, tu peux mettre un Mario Bros à 1$ puis mettre 50$ de shipping. Tu sais, elle a peut-être vu ça, là, 50$ de shipping sur P-Cross à 2$. Puis c'était une. Tu sais, comme ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, j'étais vraiment comme fuck. Puis j'ai comme essayé d'expliquer. Price charting dit ça, c'est ça. Vous vous réapprovisionnez pas là. Je veux dire, les jeux, vous les recevez ici, là. Vous les commandez pas sur eBay pour les vendre en magasin, là, tu sais. Mais bon, c'était la règle qu'elle a de son boss, et puis elle avait pas le choix, puis elle pouvait pas rien faire, fait que c'était ça qui était ça. Donc, c'était bien dommage, parce qu'il y avait une couple de jeux. J'aurais aimé rester, puis me faire un petit bundle, puis tout ça. Puis, mais tu sais, il y avait comme pas moyen, tu sais, je veux dire, si c'est ça la règle, m'en aller, tu sais, il y a pas de... C'est le double du prix basé sur n'importe quoi. Donc, j'étais vraiment pas content, en fait. Tu sais, j'aurais aimé mieux que le jeu soit genre 40$ dans le présentoir. J'aurais rien dit, je m'en fous. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, ces prix-là? Ça n'a pas rapport, je m'en vais d'ici. Mais j'aurais même pas fait un post Facebook, là. Mais là, c'est comme vraiment, tu sais, c'est ça, la consigne ici. Ça m'a comme choqué, tu sais. Vraiment, là. Je trouvais que c'était n'importe quoi. Et puis, après ça, bon, là, j'ai fait un post au resto. Le poste, puis là, je suis parti sur la route pour aller en Beauce. Puis là, quand je suis arrivé en Beauce, j'ai ouvert mon téléphone. Là, c'était fou. Mais c'est ça, tu sais, mon poste, il est très correct, là. C'est pas genre, c'est tout trou de cul, il crosse le monde, tabarnak, mais les prix ben trop cher, que c'est ça, c'est. J'ai juste comme expliqué ma situation, puis c'est. Tu sais, c'est moi la victime là-dedans, là, dans un sens. Là. C'est moi qu'on essaye de vendre un jeu à ce prix-là basé sur des faussetés, là, tu sais. Fait que c'est ça, là. Mais j'ai fait ce post-là aussi pour, comme, peut-être récupère une petite étincelle chez Dédé, chez l'entreprise Dédé pour aligner vos affaires un petit peu. Vous avez de quoi, là, tu sais, parce que la place, elle est fun. Moi, j'aimerais ça, là, à rentrer là-dedans, puis tout replacer, puis mettre des prix, puis tout. Puis, tu sais, ça serait ça la coche, là. Il y a tellement de quoi à faire, mais c'est pas fait, puis c'est tu sais, comme, c'est ça. Ouais, c'est des mauvaises consignes qui se font donner. Fait que bref, en tout cas, moi, ce que je voulais, c'est comme brasser la cage un peu, puis comme Dédé, il peut faire facilement de quoi de cool avec son spot, très simplement en mettant des prix puis en donnant les bonnes consignes à ses employés, là, tu sais, c'est simple comme ça. Et puis, ben voilà, mais ben, dans le fond, c'est ça, il y a bien du monde qui ont réagi, ben, tu sais, le monde était quand même, sur le post, c'était quand même... « Ah, je suis allé là, elle m'a fait grasser, c'est souvent ça. » Bref, ça semble être beaucoup, beaucoup ça. Il y a du monde qui a des bonnes expériences aussi. Je pense qu'il faut que Dédé soit là, tu sais, pour pouvoir discuter vraiment des prix. J'ai déjà acheté des jeux Coleco à Dédé via à distance, tu sais, en discutant sur Messenger. Puis ça avait été, il y a une couple d'années, puis ça avait été ça aussi, tu sais, il était parti très haut, je suis comme « Wow, ouais, non, j'achète pas ça. » Puis on avait fini par s'entendre, puis ça avait marché, tu sais. Fait que, mais c'est juste que les boss, ils peuvent pas toujours être là. Fait que quand ils sont pas là, faut que ça marche pareil, la place, là. Ben, ici, moi, je serai pas tout le temps là. Puis la fin de semaine, on est pas là. Fait que faut trouver une façon que ça marche basée sur des choses concrètes, t'sais. Donc, c'est ça. Puis, je me suis fait attaquer un peu, je dirais. Ben, par deux personnes, surtout. Mais, tu sais, c'est du monde assez cabotin. C'est du monde, pas vite. Et puis, mais mon but, c'est ça, là, c'était pas de chier sur personne. Là. C'était comme, j'ai raconté mon expérience, j'ai été très respectueux dans mon poste, j'ai été respectueux là-bas, puis c'était bien correct, mais j'ai été comme vraiment choqué de la réponse et de l'explication qu'on m'a donnée. Mais ouais, cela dit, l'employé m'a écrit aussi en privé après pour me dire, tu sais, désolé encore, mais je peux rien faire, c'est ça la consigne, puis je peux pas rien faire, tu sais. Puis on m'a pourtant engagé pour que j'essaye de remettre ça droit, puis tout ça, mais tu sais. Fait que bref, là-bas, ça a l'air... Boss et employé, faut comme qu'ils travaillent ensemble pour mettre ça sur la traque, tu sais. Faut faire confiance, faut développer ça. Donc, c'est peut-être ça, tu sais. Puis dans la vie, je crois beaucoup à genre, quand on est dépassé par quelque chose, je le suis à plusieurs niveaux, ou quand on connaît rien, ou quand on est... Je dis pas que Dédé connaît rien, là, mais comme faut s'entourer des personnes qui vont complémenter ce qu'on n'a pas comme skills. T'sais, chez Arcane Montréal, clairement que moi je sais même pas comment t'sais, faire un drink. Là. Je sais pas ça, je sais rien là-bas. Là, t'sais, mais on s'entoure, puis à la gang, on réussit à bâtir de quoi, puis ça se tient, puis ça marche. Ici aussi, chez Retro Montréal, t'sais, chacun sa spécialité chez les actionnaires, là, bref. Puis les employés aussi, ils apportent beaucoup, puis il faut les écouter. Puis comme c'est les autres qui ont beaucoup les clients, donc, c'est ça, là. Depuis tantôt, je parle de ça. Fait que c'est ça mon post. Allez le lire, vous allez vous faire une idée. Et puis sachez que c'est zéro, là, pour attaquer le monde. Puis c'est pas parce que moi, j'ai une business de cassette que j'attaque les autres business de cassette. Moi, je suis comme juste, je fais mes affaires, puis that's it. Puis j'ai écrit en tant que papa cassette, pas Retro Montréal ni rien, en tant que moi, là. Puis je vais faire ce que je veux, puis je vais écrire ce qui me tente, hein? Mais j'envoie pas chier le monde pour rien, puis je suis très objectif dans mes affaires. Puis j'ai été objectivement choqué de ce qui s'est passé. Alors voilà. Puis d'ailleurs, j'ai vu cette semaine Dédé les posts passer qui a commencé à mettre des prix, puis à faire des affaires, puis à faire des annonces. Fait que bref... J'ai comme l'impression que ça a peut-être fait une petite étincelle là-bas. Fait que c'est tant mieux pour tout le monde, t'sais. Fait que voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça, Seigneur Dieu. Ah! Puis, une fois rendu en Beauce, je suis allé à Thetford Mines. J'ai fait un beau post là-dessus aussi. Marché aux puces Equinox. Rien trouvé pour moi. Il y a des belles choses. Les prix étaient très bons aussi, d'ailleurs. Puis, j'ai parlé de cette place-là plusieurs fois. Je pense que j'ai... Malheureusement, je me suis comme tiré dans le pied, je pense, quasiment, en parlant de cette place-là, parce qu'il n'y a plus rien. Mais j'ai déjà fait des belles trouvailles, mais c'est ça, les spots, là, les spots se font brûler avec le temps, mais c'est toujours le fun, pareil, d'y aller. J'ai vu des belles choses, pas pour moi, genre un Game Boy Color complet en boîte jaune, un Eternal Darkness au GameCube, et puis Alien Infestations au DS, qui sont trois très beaux items que mis ensemble, ça valait Game Boy 140, mettons 180, tu sais, puis les prix étaient à peu près là-dessus, puis c'est négociable, puis... tu peux sûrement sauver les taxes et tout ça. Donc, j'ai pas besoin de ces trois items-là, mais ces trois items que je suis comme, c'est vraiment beau. Là. Quelqu'un qui a besoin de ça, il peut repartir avec ça et avoir un prix correct, là, bien correct. Donc, voilà, je suis allé là. Je suis allé chez Free Game aussi, au Carrefour Frontenac. Il me semble que c'est ça, le Carrefour Frontenac. Carrefour dans lequel ma grand-mère travaillait dans le temps. Et puis, rien trouvé, mais ben correct. Il y avait des belles petites choses. Free Game. Là, Free Game à son meilleur. Je suis allé au Free Game de Sainte-Marie en Beauce, de Saint-Georges-de-Beauce, Thetford Mines. Mais je pense que le plus gros, la maison mère, est à Saint-Romuald, je crois. Faudrait que j'aille là à un moment donné. Mais j'aime cette bannière-là. Il y a plein d'affaires, puis on peut tout le temps trouver un petit truc. Mais mon problème, c'est que j'ai plus grand-chose que je désire tant que ça, parce que j'ai pas mal tout ce que j'ai de besoin, mais ça, c'est moi. Mais aller faire un tour quand même. Fait que c'est pas mal ça, mes vacances, en fait. Mais j'ai rien trouvé, étrangement, dans le game chasing. Mais pendant que j'étais parti, il s'est passé des affaires. J'avais acheté des choses à du monde qui se sont fait shipper pendant mon absence. Et puis, il s'est passé des affaires chez Retro Montréal. Donc, je vais vous montrer les jeux que j'ai achetés. Première chose, on va commencer avec les Game Boy. J'ai pas mal avancé mon set. Là, vous avez vu la folie des petites pochettes bananes de Game Boy comme ça. Il y a une place à Montréal que je connais puis que quelques personnes connaissent aussi, qui est un espèce de bordel weird, que des fois il y a des jeux dedans ou qu'il y a des affaires. Puis j'avais trouvé des enseignes là, dans le temps, Genesis et Game Gear à cette place-là. Ben on m'avait poké pour dire qu'il y avait ça là, fait que j'étais allé en acheter. Ils sont maintenant, j'en ai envoyé à Brian la joie de CCJVQ puis à d'autres personnes, mais il en reste deux qui sont accrochés chez Arcade Montréal. Et puis c'est ça, donc là-bas ils ont découvert qu'il y avait un sous-sol, il y avait des boîtes et des boîtes de petites pochettes comme ça. Donc le mot traversé très vite sur Internet et sur les pages de jeux vidéo. Ah ouais, hey, d'ailleurs, je veux parler de ça. Hein, parce que une des attaques que j'ai reçues par rapport au post de Dédé, là, c'est que... Ah oui, c'est ça. Puis il y a un gars qui est venu aussi chez Retro Montréal, ici. OK? Il y a un gars qui est venu ici, un client. Mais tu sais, il a acheté plusieurs affaires. Puis là, je voyais aussi qu'il achetait plusieurs copies du même jeu, là, tu sais. Donc là, je suis comme... On s'est mis à jaser un peu, tu sais. Puis le gars, dans le fond, c'est un revendeur. Il achète des jeux, puis il les revend à d'autres. Puis, tu sais, comme il roule de même, il fait ses affaires. Mais, tu sais, lui, il vient ici, il achète mes jeux au prix que je les vends. Puis moi, les prix que je les vends, c'est les prix du marché. Fait que tu peux acheter toutes mes Mario World si tu veux. M'en fous. Les prix sont là, puis that's it. Tu sais, pars avec. Ça, c'est les prix du marché. Mais bon, il y en a qui trouvent quand même, ils ont d'autres marchés où est-ce qu'ils sont capables de les vendre plus cher. Bref, tant mieux, je m'en fous. That's it, c'est tout. Et puis là, en discutant avec ce gars-là, lui, il connaît bien d'autres personnes aussi, étant un revendeur, puis il se promène beaucoup, puis il va à bien des places. Puis là, le problème que j'ai, là, c'est que lui, il avait comme quasiment peur de venir ici, puis il s'était fait dire de pas venir ici parce que si on découvrait que lui, c'était un revendeur, là, on allait chier sur lui, sur le CCJVQ, puis le pointer du doigt, puis dire c'est un revendeur, puis gna gna gna. Là, on va mettre de quoi au clair, encore une fois, je ne suis pas admin du CCJVQ. Je n'ai rien à voir avec le CCJVQ, le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. J'ai rien à dire sur la façon qu'ils gèrent là-bas. Même qu'en tant que magasin, nous autres, on se fait taper ses doigts régulièrement là-bas. Fait que bref, comme foutez-moi la paix avec ça, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je chie pas sur personne par rapport à ça. Sois un revendeur, je m'en crisse. Mais viens chez nous, achète tous mes jeux au prix que je les vends. Fais-en ce que tu veux, brûle-les, je m'en fous. Mais foutez-moi la paix avec ça, Seigneur. Je pense que j'en parle trop du club. On m'associe à ça trop facilement. Puis ça me dérange parce que, tu sais, il y en a qui dénoncent ça, puis c'est bien correct, dénoncez ça tant que vous voulez. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et puis, il y a longtemps que je ne, comme... Oui, il y a comme bien des années, je suis comme, oh, là, les revendeurs, ils vident tout, puis ils revendent cher, puis, tu sais, c'est pas correct. Puis, tu sais, comme ma mentalité a changé avec le temps, bref, je suis comme revendeur moi-même, là, on va se le dire, là. Mais je réponds quand même à un besoin... de bonne façon, je crois. Et puis, les revendeurs font la même chose. Puis, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis moi, je suis neutre. Comme, j'ai plus rien par rapport à ça. Je m'en fous totalement. Mais ça me dérange qu'on m'associe à ça, qu'on m'associe au CCJVQ, puis qu'on pense que moi, tu sais, je vais comme rire du monde dans leur dos. Puis, lui, c'est un petit trou de cul. Hey, lui, c'est un revendeur. Puis que moi, je suis revendeur de mon bord, puis je suis full machiavélique, puis j'ai des plans. Puis, hey, je suis la personne là, qui veut le plus avoir la paix, OK? Je suis la personne qui veut le plus qu'on y crisse patience dans la vie. Fait que moi, là, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je participe à peine sur ces jeux. J'ai déjà été dans l'admin sur ces jeux vécu il y a une couple d'années. J'ai quitté. Je veux plus gérer ça. Je veux plus faire partie de ça. On avait un groupe Facebook. On l'a fermé. Je m'éloigne. Je m'éloigne de tout ça. Je ne veux plus rien savoir de ça. Fait que venez pas ici, tu sais, comme... ou blastez-moi pas. Il y a un dude là, en Ontario, là, je dirais pas son nom, là, mais sacrement, qui chie sur moi à chaque occasion. Je ne connais même pas ce gars-là, puis il chie sur moi parce qu'il s'est fait bannir du CCJVQ. Tout le monde qui se font bannir du CCJVQ, il chie sur moi, tu sais. C'est incroyable, ça. Ça n'a pas d'allure. Fait que... Et j'espère que vous écoutez, là, vous autres, là, qui chiez sur moi, là, puis partagez ça à vos petits amis, là, tu sais. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Là. Faites vos affaires, je fais les miennes, puis arrêtez de m'associer à ça. Puis, crissez-moi patience, là, sérieux, ça n'a pas d'allure, ça, là. Renseignez-vous. Ouais. Puis, si vous avez peur de manquer un marché en n'étant pas sur le CCJVQ, vous manquez pas un si grand marché, là, tu sais. C'est un groupe de 3000, très serré, que tout le monde se connaît, puis tout ça. Puis, il y a des meetings, CCJVQ, puis c'est bien correct, puis c'est bien le fun. Mais toutes les autres pages sont gigantesques, les marketplaces, tout ça. Puis ces gens-là, ils deal là-dedans. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un bien plus gros marché, là. Vous n'êtes pas exclu, genre, d'une mine d'or en n'étant pas sur le CCJVQ, tu sais. Puis c'est surtout pas de ma faute. Fait que, voilà, je voulais juste mentionner ça. Alors, quand même, sur le CCJVQ, le mot s'est passé pour ces petites pochettes-là. Et puis, notre ami Johnny Gretis du Chat à cassette est allé en acheter pour tous les copains de la bande. Et puis, il nous en a pas mal tous trouvés. Il en a trouvé pour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment gentil. Merci, Johnny. Très, très, très apprécié. Et puis, j'en ai profité pour mettre des jeux de Game Boy dedans. C'est des jeux que j'ai commandés pendant... Ah, ben, je vais commencer par les jeux que j'ai ramassés chez Flip à Québec. Rien de big, je vais vous les passer très vite. Bugs Bunny, Crazy Castle. J'aime bien la série Crazy Castle. C'est surtout du filler, là. Caesar's Palace. Je jouerai jamais à ça. Quarterback Club. J'aime bien le cover. C'est quand même joli. Mais bien sûr que je jouerai jamais à ça. NBA Jam. Blades of Steel. Toutes des affaires auxquelles je ne jouerai jamais. Là, on rentre dans les... Ah non, Turn and Burn, No Fly Zone. J'ai tout le temps aimé cette pochette-là. Mais bien sûr, c'est pas un jeu pour moi. C'est fait par Accolade, d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup Accolade pour leur jeu Atari. Hein? Surtout Skateboarding. Et puis, Killer Instinct. Ça vaut un petit peu plus cher. Mais tu sais, les jeux de fighting au Game Boy, là... Desert Strike, j'étais surpris. Je pensais que ça valait rien, mais ça vaut peut-être autour de 15$. Et puis, le plus gros jeu de la gang pour 20$, Elevator Action. J'aime beaucoup la pochette. Hein. C'est très beau. Et puis, je pense que... Moi, j'ai la version Taito, mais il me semble qu'il y a une version Natsume aussi. Je ne sais pas si une des deux vaut plus cher ou quoi que ce soit, mais je vais me renseigner là-dessus. Et puis, le label, il décolle, mais je vais le recoller tranquillement, puis ça va être parfait. Et puis, maintenant, sur Internet, d'un dude un dos auquel j'ai acheté des jeux de Saturne que je vais montrer tantôt. J'ai dit, hey, by the way, t'as-tu des jeux de Game Boy par hasard? Parce que j'en avais déjà acheté auparavant. Donc, il y en avait. Missile Command, très surpris, a noté que ce artwork-là avait été dessiné à la base dans le temps pour, ça c'est vieux là, pour Missile Command 2, je crois, ou pour Missile Command au 5200, je pense. En tout cas, c'est un alternate original artwork de Missile Command. J'ai lu ça dans mon beau livre Atari. Donc, j'étais content que ça soit récupéré pour mettre sur cette cassette-là. Spider-Man 2, Spider-Man 3, tout ça est sûrement pas très bon. Spot, hein? That's it. Attends, ça vient de Game Shop, ça vient de Red Deer en Alberta, ce jeu-là. Les Albertains. Ben, le gars, il habite en Alberta, d'ailleurs. Looney Tunes. Star Wars. Ça, ici, c'est un jeu qui vaut rien sur les autres plateformes, mais qui vaut un petit peu plus version Game Boy. Spanky's Quest, il me semble que ça vaut plus. Je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble plus que 20$. Donc, ça, c'est bon. Chub Rock. Moi, je l'ai déjà dit à Retro Nouveau, ou je l'ai déjà dit, j'aime tellement pas les jeux à thématique préhistorique, là, d'hommes des cavernes puis tout ça. J'aime pas ça. Fait que je jouerai pas à ça. Battle Buzz, ça fait un bout que je suis comme curieux de ce jeu-là. Et puis, c'est un jeu qui a pris de la valeur au cours des années. Ça vaut pas 100$, là, mais mettons qu'il a peut-être passé de 5$ à 20-25$. Je vais définitivement jeter un œil là-dessus et puis l'essayer. Clax, j'ai jamais aimé ça. C'est vraiment, je trouve vraiment ça plat. Et Final Fantasy Legend 2, version... Sunsoft a réédité les jeux, ou il a comme juste republié les jeux Final Fantasy au Game Boy. C'est écrit Sunsoft dans le bas ici. Moi, je vais juste faire la série pas Sunsoft, dans le fond. Alors, voilà, un de fait. Brainbender. J'ai pas envie de me bender le cerveau, fait que je jouerai jamais à ça. Oddworld Adventures. Quand même, c'est weird, hein? C'est une série, ça, que je connais pas du tout. J'ai jamais joué à rien de Oddworld, mais je savais pas qu'il y avait ça sur Game Boy. Donc, voilà. Et puis, peut-être le moins commun de la gang, The Simpsons Bart and the Beanstalk. Beaucoup de jeux de Simpsons au Game Boy. Et puis, je pense qu'il y en a là-dedans qui sont quand même pas si pires. Alors, ça vaut la peine d'y jeter un œil. Quoi d'autre? Un beau opération, tant qu'à être dans le Game Boy, opération contrat complet en boîte, qui Bobby du groupe Facebook CDN, qui est un ami à nous, qui est admin de ce groupe-là, a publié des boîtes très coupantes de Game Boy, des jeux très, très, très coupants. Et puis, Kevin Boily a acheté tous les jeux, puis, mais il n'y avait pas vraiment besoin de celui-là. Puis moi, j'en avais besoin parce que je l'avais dans mon enfance, ce jeu-là, puis je voulais absolument la boîte. Donc, elle est vraiment magnifique. Tu peux te raser là, avec les coins comme ça. Là, c'est parfait. On continue dans le Game Boy. Dans le fond, aussi, sur Internet, pause par rapport que j'ai vu passer un magnifique Kirby's Block Ball. J'en avais parlé à Retro Nouveau et puis j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est un Brick Breaker, c'est super bien fait. Et puis, je trouve ça beau. J'aime la boîte, ça me parlait au bout. Et puis, c'est magnifique. Donc, ça va être beau sur la tablette. Je suis bien content d'avoir ça. On va switcher dans le Saturn, dans le fond, sur Internet, encore sur un groupe Facebook. J'ai vu Galactic Attack. Et puis, les frères Lavoie de Québec m'ont rappelé effectivement qu'il y a seulement trois shmup version US de Saturn qui ont été. Il y a une grosse banque de shmup Saturn japonais, mais il y en a juste trois qui ont été faites US. Galactic Attack, c'en est un. Et puis, dans le fond, c'est Layer Section, ce jeu-là. Je l'avais déjà, ça. C'est mon ami Martin qui m'a ramené ça du Japon. J'y avais demandé de ramener ça. Mais je t'annonce, Martin, que je vais revendre ton jeu parce que j'ai mis la main sur la version nord-américaine. Et puis, quand j'ai le choix entre les deux, j'aime avoir la version nord-américaine. Mais je t'aime quand même beaucoup. Puis je te remercie de m'avoir amené ça. Et dis-toi que ça va aider à financer ça. Moi puis Martin, quand on parle d'argent, on s'entend. Alors, je trouve ça magnifique. Et puis, deuxième Ben, on va continuer dans le Saturn, parce que le lot de Game Boy que j'ai acheté tantôt, le gars, il vendait trois jeux de Saturn, mais il voulait absolument les vendre les trois d'un coup. Alors, c'est In the Hunt, Die Hard, Arcade, et puis Shinobi Légion. Et puis, moi, je possède déjà Shinobi Légion et Die Hard Arcade. Donc, j'y ai acheté ça, son lot, strictement pour In the Hunt, qui est un magnifique shmup de sous-marin fait par les gens avant... C'est sorti... fait par les gens de Metal Slug avant... Il me semble que c'est ça, là. Avant Metal Slug, les gens qui ont travaillé sur Metal Slug ont fait ce jeu-là. Et puis, après ça, bon, ils sont partis, puis ils ont fait tous les Metal Slug, ils sont partis en fou là-dessus. Mais ceci est comme précurseur un peu, puis le graphisme, c'est le même. C'est vraiment pareil, là, dans le fond, le style. Et puis, c'est vraiment sur la coche. Moi, je possédais déjà In the Hunt, Black Box, Mint, au PlayStation 1 comme ça. C'est un objet magnifique. Cependant, j'ai très peu d'amour pour la PlayStation 1 et beaucoup plus pour la Sega Saturn. Alors, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit « Ah, je vais booster mon Saturn à la place puis je vais baisser mon PlayStation 1. » Mais c'est correct que mon ami Olivier Clos voulait ça. Alors, j'ai dit « Si je réussis à acheter les jeux Saturn, je garde le In the Hunt, puis toi, je vais te revendre ça. » Alors, ça va partir. C'est moi qui avais acheté ça sur eBay dans le temps. Et puis, non, je suis vraiment content. Là, ça, je trouve ça magnifique. Donc, je suis maintenant propriétaire de deux des trois shmup Saturn en version nord-américaine. Il va seulement me manquer Darius Gaiden, qui est vraiment excellent, lui aussi. Donc, ça va venir. Et puis... j'ai acheté aussi Godzilla Unleashed que j'ai acheté sur Facebook. Et puis ça, c'est un jeu d'une trentaine de dollars à peu près. Pas commun du tout ça pour la Wii. J'ai aucune idée de comment ça se passe là-dedans. J'espère que c'est pas juste un jeu de combat. J'espère qu'il y a comme une aventure. Je vois que ça peut jouer jusqu'à 4. Donc on verra. Mais bien sûr, j'aime bien collectionner le Wii et j'aime avoir les jeux qui ont de la valeur. Alors ça vaut très cher dans une collection Wii. 30$. Ah, pauvre Wii. Pauvre bébé fuck. Mais moi, je t'aime, bébé fuck. Alors voilà, très content d'avoir ça. Chez Retro Montréal, il s'est passé des petites choses. Another World en Limited Run, on en a commandé. Quand c'est sorti, je m'en suis gardé un. J'ai un amour pour ce jeu-là. Dans le temps, j'avais joué au Super Nintendo, je l'avais fini. C'est un jeu auquel j'ai joué beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu-là. Et puis, hier, on a reçu Raiden 5 Director's Cut. Donc, je m'en suis gardé une copie. On en a d'autres en inventaire qui vont sortir aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui. On a quelle date aujourd'hui? Je sais pas. J'ai pas le temps de checker. Trop pressé. Donc, c'est magnifique. C'est ça qui est dangereux d'avoir un magasin de jeux vidéo puis d'offrir des jeux neufs. C'est qu'on s'en garde des copies, mais je les paye, là, on s'entend. Donc, je paye le cost, mais tu sais, le cost et le prix réel, différentiel de 5$, là, tu sais. Donc, c'est pas donné. Là, c'est pas, je paye pas ça 5$, ces affaires-là. Donc, c'est un peu dangereux de certaine façon. Mais bon. On a eu aussi On the Ball de Taito. J'aime ça que ça soit Taito. C'est un jeu, ça, de bougeage de plateforme pour envoyer la balle à des places puis qu'elle se rende jusqu'au bout du labyrinthe. Là. Ça me fait penser à... Il y a un jeu de Wii là, qui est Marble... Marble de quoi, là? J'ai Marble Mania. Bref, ben moins jeu plateforme comme ça, là, mais c'est vraiment du tournage d'écran même. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Ça vaut pas une fortune, mais il me semble que je vois pas ça souvent, donc j'ai décidé de le garder. Moi, le Super NES, c'est rendu que je garde des affaires de plus en plus, puis je me dis peut-être qu'un jour, tout ça va se transformer en genre de full set, et puis j'aurai déjà une bonne partie de fête, tu sais. Ou si à un moment donné, on achète un full set de Super NES, puis je garde toute la scrap, j'aurais, tu sais, comme c'est arrivé pour mon 7 NES, on sait jamais. Donc, c'est un peu dans cette conne mentalité-là que je fonctionne par rapport à ça. Ça fait longtemps que je voulais Shinobi au PlayStation 2, vraiment, pour l'essayer. Et puis, c'est pas rare, ça, là. C'est pas spécial tant que ça. Il y a ça un peu partout. Mais man, ça donnait pas que je le trouvais, tu sais. Je veux pas payer ça cher, on s'entend. Puis, je le trouvais pas à 10-15$ nulle part. Puis, en faisant le ménage dans le sous-sol chez Retro Montréal, dans nos doublons puis dans nos batchs de jeux qu'on n'a pas le temps de mettre en ligne, Hey, j'ai trouvé ça. Fait que je l'ai pris bien longtemps, nettoyé le case et puis voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas acquis un jeu de PlayStation 2. Ça, je veux vraiment l'essayer pour vrai puis y donner sa chance. J'avais aimé Shinobi au 3DS puis j'avais trouvé ça quand même pas mal tough. Mais je veux le réessayer. J'aime bien Shinobi, sérieux. Puis Shinobi 3 au Genesis, c'est un. J'ai adoré ce jeu-là, là, vraiment. Donc, il y a comme la moitié. Shadow Dancer aussi au Genesis, je vais y donner sa chance. Il y a de quoi avec Shinobi, la série Shinobi, ça vient me chercher un petit peu. Je sais qu'il y a de la merde, mais. C'est ça. C'est pour ça que je voulais ça. Et puis, hier. Out of nowhere, un auditeur et quelqu'un qui fréquente notre boutique et puis qui écoute Rétro Nouveau et puis qui connaît mes projets, M. Étienne Laurendeau, qui a également eu l'excellent flash de faire des Doritos grosseur pointe de pizza, mais comme un Dorito grosseur pointe de pizza, quelle bonne idée. Et puis, je vais le respecter éternellement pour ça. Il est venu nous vendre des jeux et puis dans ces jeux, il y avait un Metroid Fusion, comme ça, complet dans sa boîte, coin quand même coupant. Très, très bon état. Moi, cet état-là, ça me convient parfaitement. Donc, il est complet avec les petits inserts et tout. Donc, ça s'en va direct dans ma collection, ça, monsieur. Ça passe même pas par le magasin. C'est quelque chose que je voulais quand même depuis un bout. Et puis, comme ça, c'est arrivé hier. Je suis vraiment content. Merci, Étienne, de nous faire confiance et puis de nous emmener des belles choses comme ça. C'est vraiment très apprécié. Et puis, vous avez vu sur la page de Rétro Montréal aussi qu'on a acquis un quasi full set dernièrement. Non, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de Fred, ce n'est pas nous qui vendons notre collection. C'est un ami à nous qui a décidé de vendre son full set. Mais il manquait 4 jeux et puis... c'est ça. Dans le fond, bien sûr, il n'y avait pas Stadium Events. Ça vaut 15 000$. On ne l'a pas personne, sauf une personne que je connais. Très jaloux de ça. Si j'en vois un à 10 000$, je vous dis, je vais m'organiser et je vais l'acheter. Vous avez un Stadium Events, vous êtes prêt à le vendre 10 000 $, appelez-moi puis on va s'organiser. Entre-temps, il n'y avait pas ça dans le full set qu'on a acheté. Il n'y avait pas Little Samson, Panic Restaurant et Bunk's Adventure parce qu'il avait déjà vendu ces 3 jeux-là pour financer autre chose de ses projets personnels. Puis ça fait longtemps. Mais on a réussi à s'entendre puis on a acheté le reste. Et puis, c'est ça ici, vous voyez, en arrière. On les a mis là, puis on les process tranquillement pour les mettre en ligne et tout et tout. Cela dit, j'avais à peu près 15-20 jeux là, qui avaient besoin d'un label upgrade dans ma collection. Et puis, j'ai réussi à en faire plusieurs. Je suis super content. Fait que là, il me reste à peu près 5 jeux qui ont besoin d'un label upgrade dans ma collection NES. Et puis après ça, je vais pouvoir dire que tous mes jeux sont en mint état. Ou à peu près, là, mais comme vraiment, genre que tu regardes, puis c'est parfait. Là. C'est bien important pour moi, je suis très anal là-dessus. Godnack, il y avait une petite imperfection dans le haut de mon label ici maintenant, celui-là est parfait. Ça, c'était le plus gros que j'avais à faire. C'est un jeu qui vaut 250, je pense, quelque chose comme ça. The Untouchables, ça c'est réglé. Genghis Khan. Oui, monsieur. The Last Starfighter. Pourquoi j'ai mis ça dans le tas? Finalement, il n'y avait pas besoin d'un upgrade, ce jeu-là. On n'en parle pas. Mon Wario's Woods n'était pas beau. Celui-là, il est vraiment beau. On dirait qu'il n'a jamais joué. Donc, voilà. Donkey Kong, qui n'était pas parfait, mais j'ai recollé et j'ai nettoyé. Puis là, il est devenu très beau. Et puis, Attack of the Killer Tomatoes. Puis là, j'ai un dilemme. Il y a des jeux, des late release de LJN et de Acclaim qui sont de très piètre qualité. Le plastique n'est pas le même. Le label, il n'y a pas de plastification non plus dessus. Donc, c'est cheap, cheap, cheap, cheap. Puis quand tu ouvres le jeu, le board à l'intérieur, il est comme vert palote aussi. Tout est cheap de ça. Puis les labels de ces jeux-là ne sont jamais beaux. Parce qu'ils vieillissent super mal, puis ils pognent la colle, elle fait des taches. Vous voyez ici, Crash Dummies. Je vais essayer de vous le montrer. Là. Voyez-vous, là, c'est comme pas blanc, là. C'est pas parfaitement blanc. Ben c'est comme en dessous, là. C'est comme la colle qui réagit sur le label. Donc, j'avais Crash Dummies, King of the Ring. Vous voyez les imperfections sur le blanc. Et Dieu sait qu'ils ont beaucoup de blanc, en plus, ces labels-là. Genre, toutes les tranches sont blanches. Là. Et puis, Wizards and Warriors 3. Mais les copies que j'avais étaient quand même pas mal moins belles que celles-là, mais celles-là ne sont pas parfaites. Puis là, mon questionnement, là, si je réussis à dormir la nuit ou non par rapport à ça, est-ce que je considère ça comme parfait, vu que c'est comme très, très, très, très rare de trouver ça comme moins parfait que ça? Ou est-ce que je peux comme clore le dossier puis me dire que ça, c'est parfait? Tu sais, moi, c'est ça les tracas que j'ai dans la tête, dans la vie. Non, c'est pas vrai, j'ai des plus gros tracas que ça. Mais quand même, j'aime beaucoup comme organiser, classer puis gérer ma collection. Puis ça, c'est un questionnement que j'ai. Alors, je sais pas là, si je garde ça en note comme pas parfait puis qu'il faut que je chasse encore ces jeux-là pour en trouver des plus parfaits. Je pense que je vais juste cocher qu'ils sont réglés. Puis que quand je vais passer, s'il m'en passe un entre les mains à un moment donné, ben, je vais regarder pour ça. Bref, voilà. Donc, le full set est disponible en magasin. Tous les prix ne sont pas faits du tout et tout n'est pas encore testé. On en fait au fur et à mesure. Les employés sont là-dessus, on est là-dessus. Et puis, on essaie de le sortir le plus vite possible. On commence par les gros jeux, bien sûr. Mais vous pouvez passer quand même. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous a appelé tout de suite. Genre, avez-vous Kabuki Quantum Fighter? Oui, on l'a. Fait que je pense qu'il est passé d'ailleurs à l'acheter. Donc, si toi, il te manque Jackie Chan's Action Con, Kung Fu, Toki, tu sais, des jeux de même là, qui sont bons et puis qui passent pas nécessairement souvent. T'as un peu que je t'en trouve un autre là. Ghoul's Cool. Je sais pas si c'est bon par exemple. Je pense pas. Bref, ils existent. Bref, dis-toi qu'on les a toutes. Et puis, dépêche-toi de passer en magasin si tu veux comme acheter ce que tu as de besoin. J'ai déjà vu hier partir Shadow of the Ninja, Wumpem, Color a Dinosaur. Ah non, Wumpem n'est pas parti. River City Ransom. Tu sais, des bons jeux partent. Alors, voilà. Là, ça fait déjà 45 minutes que je parle. Et puis, je pense que je vais closer ça parce que le magasin va ouvrir anyway. Et puis, mais je voulais juste dire aussi que j'ai terminé Bloodstained, Ritual of the Moon. Et puis, j'ai été très, très, très satisfait de mon expérience. J'ai joué sur Switch, bien sûr, je sais. C'est pas correct. La version Switch est brisée. Mais moi, j'ai pas eu le bug des coffres ouverts parce que j'ai commencé la game après. Mais cela dit, oui, la version Switch, il y a beaucoup de... Il y a du loading et puis, tu sais, comme ça peut être long, là. Mais moi, j'ai juste une Switch. J'ai joué à la Switch, puis c'est bien correct. Tu sais, quand t'es habitué de manger de quoi de pas bon, ben ça de... Tu t'en rends plus compte que c'est pas bon, tu sais. Parce que t'as jamais goûté meilleur. Fait que moi, j'ai pas joué à la version Xbox One. J'ai juste joué à la version Switch, puis j'étais bien correct avec ça. Puis j'en ai parlé au dernier Rétro Nouveau, donc on en a parlé pendant un bon 15 minutes. Alors, c'est surtout là que je me suis exprimé sur le sujet. Mais j'ai été très satisfait de ça. Et puis, on a vraiment le feel de Symphony of the Night. Écoute, je me demande comment le gars se fait pas poursuivre à cause de ça. C'est pareil, tu sais. Donc, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Bien des choses à faire là-dedans. C'est parfait. Et puis, moi, ça s'en va là, dans ma section Castlevania de ma collection. Ça mérite sa place là. Donc, très, très cool. Je recommande chaudement à quiconque aime la série Castlevania. Et puis, si vous n'avez pas aimé Symphony of the Night, jouez pas à ça parce que c'est la même chose. Donc, voilà. Ah, ben les affaires. Je vais pouvoir ranger tous ces jeux-là. Alors, merci encore une fois d'écouter. C'est le fun, il y a du monde en magasin qui vient dire « Ah, j'écoute ton podcast. Hey, Papa Cassette! » Ça me fait tellement chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui fréquentent mes projets et tout. Je vous en remercie énormément. Et puis, j'aimerais avoir une présence plus importante puis d'être faire des épisodes plus souvent puis tout ça. Puis, on me demande aussi, il y a des gens qui me demandent de faire des soirées de jeux vidéo dans leur commerce. J'ai deux personnes qu'il faut que je rappelle. Tu sais, comme si je pouvais, puis il y a quelqu'un aussi qui veut que je sois, que j'aille au MIG et puis au MEGA faire une conférence, croyez-moi que ça me ferait vraiment plaisir de participer à toutes ces affaires-là. J'aimerais vraiment ça. Mais là, j'ai comme... le magasin ici me demande vraiment beaucoup de temps. Puis là, l'arcade, ça va être à l'automne. Il faut vraiment que j'y retourne puis qu'on réajuste une couple d'affaires. Donc, il faut que je m'occupe de mes projets avant tout et puis ma famille. Et tout ça me prend beaucoup de temps. Mais quand le magasin ici, là, ça fait juste 2 mois qu'on est ouvert. Là, on n'arrête pas de tout le temps améliorer nos affaires, que ça soit genre notre façon de procéder, acheter du racking, organiser le sous-sol. Bref, je suis très occupé là-dedans. Et puis, c'est pas parce que je snob les gens ou quoi que ce soit. Je veux tout ça. Ça me fait vraiment plaisir qu'on me poke pour multiples projets. Puis, quand ça sera le temps, tu sais, je vais être beaucoup plus présent. Mais là, tout de suite, c'est pas le temps parce que sinon, je vais juste mourir. Mourir de stress puis de choses à penser. Donc, il faut que je m'en enlève un petit peu sur les épaules si je veux pouvoir profiter de ces projets-là à ma retraite et puis jouer à toutes ces belles cassettes-là que j'achète comme un cave sans y jouer. Alors, voilà. Mais merci vraiment à tous et puis merci à RDS. RDS Jeux vidéo sur Facebook, sur les internets et puis suivez ma page Papa Cassette. Écoutez Rétro Nouveau. Excellent podcast qui continue de rouler depuis 2011. On n'arrête pas. Et puis, on a bien du fun. Et puis, voilà. Donc, merci à tous. Et puis, j'essaie de revenir le plus rapidement possible. À bientôt.